Chapitre 31e. Monsieur de Villeberg, seul, connut par le notaire les détails de cette triste visite. Il se garda d'en parler à Julien et à Mélanie. Il n'en dit même rien à sa mère et à sa sœur, de peur de quelque indiscrétion. La situation s'était vite régularisée chez madame de Villeberg. Mélanie s'entendait à merveille avec Marthe et Georgette, qui s'ingéniaient à occuper ses journées pour ne pas la laisser trop s'apercevoir de l'absence de Julien. Là était le point délicat. Les premiers jours, surtout, Mélanie sentit le poids des heures s'apesantir lourdement sur son cœur. Depuis 9 mois, elle n'avait pas quitté Julien. Leur vie s'était mêlée au point de n'en faire qu'une en 2 personnes. Il est peu de nature assez mutuellement sympathique pour subir une telle épreuve. Il s'était même produit en eux ce phénomène, lorsque l'amour se fut dégagé des aspirations de Mélanie et des résistances de Julien, que certain de s'appartenir un jour, il n'éprouvait aucune impatience. C'était une sorte de mariage mystique précédant le mariage réel. Tant qu'ils furent côte à côte, ils n'eurent pas à réfréner les ardeurs de la passion. Séparés, ils souffraient doublement et se cherchaient comme les tronçons d'une annélide. Sous ce rapport, ce n'est pas Mélanie qui fut le plus douloureusement affectée. Dès l'enfance, elle avait été domptée, et le mode d'entraînement qu'elle avait suivi sans discontinuer avait accumulé une forte réserve de réaction. Julien subit davantage les effets de l'isolement. En vain, il s'efforçait de fixer son esprit à quelque travail sérieux. S'il lisait, le livre ne lui donnait que des phrases creuses. S'il écrivait, sa plume traçait d'elle-même le nom de Mélanie. La seule diversion à laquelle il trouvait quelque charme était la promenade. Il partait de grand matin et s'en allait courir les montagnes pittoresques qui entourent la ville, quelquefois très loin, et jusqu'aux extrémités du barrage qui retient les masses d'eau déversées les jours de pluie dans les gorges dominant le château du Tolonnais. Ou bien il suivait les sinuosités charmantes de la Torse, s'enfonçant jusqu'aux genoux dans les grandes herbes printanières émaillées des fleurs si variées de la Provence. C'était le procédé qu'il savait avoir été employé par Mélanie, et lui était d'autant plus agréable. Il ne se plaignait pas. À sa visite de tous les jours, il était gai, spirituel, aimable. Il faisait sa cour, sans négliger les compagnes de sa fiancée. Mélanie ne se laissa pas tromper par cette attitude de commande. Rien qu'au serrement de main de Julien, à sa première visite, le lendemain de leur séparation, elle avait compris qu'il était malheureux. À travers son gant, une chaleur de fièvre avait brûlé sa main. Les femmes aimantes ont des attentions ingénieuses et des idées charmantes. Mélanie, voulant que son amie fût occupée comme elle l'était elle-même, utilisa les promenades de Julien. Elle lui demanda de rapporter les spécimens les plus curieux de la flore des environs d'Aix. Tous les matins, à son retour, Miette l'attendait à l'hôtel et lui remettait une longue lettre en échange de ces fleurs que Mélanie copiait sur un album avant de les presser dans un herbier. Ainsi, les amoureux trompaient leur isolement et comblaient les vides de leur existence, mais ce n'était plus la bonne et constante intimité d'autrefois. Heureusement, il fut bientôt possible de se relâcher de la sévérité des premiers jours. La quasi-adoption de Mademoiselle Ripper par madame de Villeberg avait été un événement dans le cercle des relations de la bonne dame. Tout le monde ne l'approuvait pas. Parmi ses amis les plus intimes, plusieurs la blâmaient. Mais toutes avaient le plus vif désir de voir et de connaître cette héroïne de roman répudiée par sa mère et qui avait conquis son mari de haute lutte. Madame Ripper n'était sympathique à aucune femme. L'abandon des hommes ne lui avait pas valu une seule amitié. Il était trop tard. La maison de madame de Villeberg, fort calme d'habitude, ne désemplit pas. Les amis accoururent, seuls d'abord, puis, quand Mélanie eut fait leur conquête, avec leur fille. Le bruit s'étant répandu que Mademoiselle Ripper était charmante, douce, réservée, les simples connaissances avec lesquelles on échange des saluts et de banales paroles vinrent ensuite sous un prétexte quelconque. D'anciennes amitiés rompues se renouèrent, et parmi ces dernières, la comtesse de Ricardy et sa fille. Le soir de cette mémorable visite, Georgette, qui était espiègle comme à 15 ans, dit à son frère, au moment de se mettre à table, « Es-tu en appétit ?»« Mais oui, j'ai plaidé une partie de l'après-midi et j'ai gagné mon procès. »« Très bien, alors je te donnerai la grande nouvelle après dîner, sans quoi tu en perdrais le boire et le manger. »« Qu'y a-t-il donc ?»« plus tard, au dessert. » La rieuse jeune fille avait de la malice plein les yeux. Naturellement, son frère la pressa de questions. « Tu le veux, tant pis pour toi. Eh bien, Marie de Ricardy est venue nous voir. Voir Mélanie, veux-je dire. » Monsieur de Villebert grougit d'étonnement et de plaisir. « Elle reviendra, » ajouta sa sœur, toujours riant. « Elle me l'a promis. » Mélanie avait observé cette petite scène. Monsieur de Villeberg était amoureux. Quelle excellente occasion pour elle de prouver sa reconnaissance. Très avant, dans les confidences de Georgette, Mademoiselle Ripert apprit bientôt l'histoire de Marie et de son frère. Le père, Gaston de Villeberg, était intimement lié avec le comte de Ricardy. Lorsque Gaston eut pris son grade de licencié en droit et eut été inscrit au tableau, Monsieur de Ricardy, qui soutenait un procès important, pria son avocat de prendre pour second le fils de son ami. Gaston préparait le dossier et travaillait presque tous les jours avec son client bénévole. Presque tous les jours aussi, les recherches dans les vieilles paperasses se prolongeaient très longtemps. Le jeune stagiaire était retenu à déjeuner ou à dîner. Il avait été séduit par les grâces précoces d'une fillette qui promettait de devenir une belle jeune fille. Marie avait 12 ans. Gaston la traitait en enfant gâté. Mais M. de Ricardy, qui avait pour le fils de son ami une vive affection, qui d'ailleurs tenait à l'antique tradition des mariages préparés de longue date, afin que les futurs époux aient le temps de se connaître, de s'apprécier, dit un jour « Mon cher Gaston, tu as pour mari des attentions qui pourraient se changer en devoirs. Hé hé, vous feriez un beau couple. » La comtesse, qui avait d'autres visées, qui considérait les Villeberg comme de petite noblesse, fut très irritée de ce propos. Elle fit si bien que Gaston dut renoncer à son travail, cause de son assiduité dans la maison, et s'éloigner. La mort de M. de Ricardy, survenue peu de temps après, lui enleva toute espérance. Il n'aurait probablement pas retenu un propos jeté en l'air, mais l'exclusion qui s'en était suivie avait laissé dans son cœur un germe d'amour. Devenu tout à fait homé avocat, il aimait Mademoiselle de Ricardy, qui, jeune fille, tenait généreusement toutes les promesses de son enfance. Il recherchait toutes les occasions de l'apercevoir et ne désespérait pas de se rapprocher d'elle quelques jours. Marie était venue et il ne s'était pas trouvé là. Mélanie résolut de savoir si Mademoiselle de Ricardy n'avait pas pris un prétexte pour renouer des relations interrompues et dans le cas d'être le trait d'union des deux cœurs. Madame Ripert pouvait vraiment se donner une mission de cette importance. Elle était, sinon toute puissante, du moins très à la mode. Après l'avoir vue, on voulait la voir. Plusieurs dames parlèrent de donner des fêtes. Mélanie avait profité de son prestige pour rendre moins sévère la consigne de Julien. Elle le voyait maintenant pendant la journée, en visite, et le soir dans le petit comité de la famille Villeberg, quelquefois en tête-à-tête. Elle eût été désolée de perdre encore une fois le bénéfice de sa situation. Elle se refusa à entrer dans le monde. « Je suis une recluse, » dit-elle en recevant les premières invitations. « Reconnaissante des marques de sympathie que je reçois, il m'est interdit de prendre des plaisirs bruyants. Je ne puis oublier que je devrais être chez ma mère. » Cette réserve, pleine de modestie, et qui témoignait de sentiments élevés, mit le sceau à sa réputation. Il y a dans la vie de ces périodes heureuses où tout arrive à point, où tout est bien interprété, où tout réussit. Ce que Mélanie ne disait pas, ce qu'elle ne savait pas, c'est que Madame Ripert était très gravement malade. À la suite de la crise violente occasionnée par les actes respectueux, une fièvre cérébrale s'était déclarée. La forte constitution de la malade l'avait seule préservée du dénouement presque certain, la mort. Les médecins désespérèrent à plusieurs reprises de la sauver, mais tant l'oubli est profond, surtout lorsque l'engouement était très vif, presque personne ne connaissait sa maladie. Bonenfant s'en était inquiété, lui. Ayant vu Madame Ripert de très près et constaté sa rapide décadence, il était doublement intéressé et comme mandataire de ses amis et comme curieux. De plus, l'oisiveté pesait à cet homme actif, remuant, qui s'agitait sur place plutôt que de ne rien faire. Il s'était mis à la recherche de Suzon, qu'il avait fini par retrouver. Moitié par besoin de popularité, moitié par amour-propre, il avait beaucoup insisté sur ses pseudo-souvenirs du temps passé. Il y croyait. N'était-ce pas absolument comme s'ils eussent été réels? Quelques cadeaux avaient mis cette femme à sa discrétion. Suzon exploitait bon enfant. Il se laissait faire, ayant vérifié l'exactitude de ses premières confidences. Tout se paye en ce monde, ou du moins presque tout, et plus cher ce qui ne s'achète pas à prix débattu. Donc, bon enfant avait jour par jour le bulletin de la santé de Madame Ripper. Il savait aussi que son associé, avant même que l'association eût été judiciairement régularisée et rendue définitive, avait pris la direction de la maison de commerce et qu'il s'annonçait comme voulant et devant être le maître. Il sut enfin que le fils de Madame Ripper avait été rappelé de voyage. C'était un adolescent de 18 ans qui n'avait encore rien de l'homme. Il avait grandi sans affection ni direction morale. Ne se sentant pas aimé, n'ayant pas où placer les aspirations d'une nature tendre, sa timidité native avait dégénéré en sauvagerie. Il était trop sérieux pour son âge et paraissait enclin à diriger toutes ses facultés vers le lucre. L'associé de sa mère trouverait évidemment plus tard, bientôt peut-être, à qui parler. Pour le moment, il ne cachait pas son mécontentement de l'association conclue. Il le dit à sa mère dès que Madame Ripper eut triomphé de sa maladie. Madame Ripper fut très étonnée. Après avoir semé l'indifférence, elle eût voulu récolter le dévouement. La nature a quelquefois de ses contradictions. Rarement. Quant à Madame Ripper, son heure était passée. Si elle avait fait venir son fils, ce n'était ni pour lui, ni pour elle. C'était dans l'espoir qu'il servirait ses projets. Dans sa pauvre tête, un combat perpétuel se livrait. Sa passion pour Julien se présentait sous deux aspects qui prédominaient alternativement. La vengeance, cette forme de l'amour affiné par la résistance et modifié par le dépit, était le plus souvent en première ligne dans les préoccupations de Madame Ripper. Elle ne gardait aucune retenue. Suzon l'avait entendu exciter son fils et contre Mélanie et contre Julien. Le jeune homme résistait. Son bon sens, quelque peu égoïste et pusillanime, lui faisait excuser sa sœur. Madame Ripper s'irritait, adjurait, menaçait. L'adolescent, poussé à bout, disait « Mais ma mère, je ne saurais où les trouver. Cherche-les. Je suis sûr qu'ils sont à Aix ou aux environs. Paris est fermé, Marseille en révolution. Cherche-les, te dis-je. N'es-tu donc pas un homme ?» Non, ce n'était pas un homme. Et c'était fort heureux, car il eût été brisé, ou bien il eût été la cause et l'agent de grand malheur. Bon enfant profita de ces renseignements. Il fit proposer au jeune Ripper d'écrire à sa sœur une lettre que Suzon se chargerait de faire parvenir et dans laquelle il prierait Mélanie d'enlever à leur mère l'oppression que sa présence à Aix lui causait. Toujours sur le qui-vive, et redoutant les retours offensifs de la terrible femme, bon enfant s'était dit qu'il serait bon d'avoir un document compromettant, et il n'avait pas craint d'abuser de la faiblesse d'esprit d'un enfant, sans se rendre compte, on peut le croire, de l'indélicatesse de sa conduite. La haine l'aveuglait lui aussi. Toute question morale à part, le stratagème réussit complètement. La lettre du jeune Ripper était une longue confession qui se terminait par cette supplique. « Je t'en conjure, par pitié, quitte Aix, va-t'en. »